je t'aime pour les jours de ma vie. Toi, je t'aime pour la force des arbres, pour le soleil ou la mer en furie. La main donnée, jamais plus reprise. Toi, je t'aime pour les jours de ma vie. Le fleuve bleu qu'on descendra ensemble, les plages blondes qui rêvent et nous attendent, mouillées d'embrun et d'algues brisées. Toi, je t'aime pour les jours de ma vie, les lacs profonds où vivent les forêts, pour les enchantements que ton corps me promet, pour mes tourments que nul ne connaît. Toi, je t'aime pour les jours de ma vie. Toi, je t'aime pour l'or des champs de blé, la terre où le grain a germé, pour les mains que le temps a flétries. Les jours de ma vie, pour les pleurs que les yeux ont versés, cristal pur d'étoiles éclatées, pour tant d'amour que tu voudrais donner. Toi, je t'aime pour les jours de ma vie, pour l'eau vive les images, pour le pardon, pour l'unique partage, pour l'amitié, pour tous les champs perdus. Toi, je t'aime pour les jours de ma vie, pour un morceau de ciel crevant de pluie, pour l'insensé voyage de la nuit, pour le sommeil qui m'offre ton oubli. Toi, je t'aime pour les jours de ma vie. Toi, je t'aime, ô mon île lointaine, ma plénitude, mon impossible rêve.